La cuisinière vint annoncer, malheureusement à haute voix, que monsieur n'était pas dans son atelier. Au milieu de sa crise, la comtesse entendit cette réponse. Les convulsions recommencèrent. « Allez chercher la mère de madame, » dit Louise à la cuisinière. « Courez !»« Si je savais où se trouve Venceslas, j'irais l'avertir, » dit Stidmann au désespoir. « Il est chez cette femme !» cria la pauvre Hortense. « Il s'est habillé bien autrement que pour aller à son atelier !» Stidmann courut chez madame Marneffe en reconnaissant la vérité de cet aperçu dû à la seconde vue des passions. En ce moment, Valérie posait en Dalila. Trop fin pour demander madame Marneffe, Stidmann passa roide devant la loge, monta rapidement au second, en se faisant ce raisonnement. Si je demande madame Marneffe, elle n'y sera pas. Si je demande bêtement Steinbock, on me rira au nez. Cassons les vitres. Au coup de sonnette, Reine arriva. Dites à monsieur le comte Steinbock de venir, sa femme se meurt. Reine, aussi spirituelle que Stidmann, le regarda d'un air passablement stupide. « Mais, monsieur, je ne sais pas ce que vous... »« Je vous dis que mon ami Steinbock est ici. Sa femme se meurt. La chose vaut bien la peine que vous dérangiez votre maîtresse. » Et Stidmann s'en alla. « Oh, il y est !» se dit-il.